Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, une émission toujours en différé, enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, qu'on fait en sorte de vous diffuser sur les créneaux historiques le dimanche soir de 21h à 23h, émission que vous pouvez retrouver dès le lundi en fin de journée sur notre petit blog Hellbanger Radio Show. Voilà, on est ensemble pour 2 heures avec une émission qui va ressembler assez en termes de groupe à l'émission de la semaine dernière, avec cependant quelques petites nouveautés qu'on présentera tout au long de l'émission. Et ce soir, deux focus, deux nouvelles interventions de l'ami Thibaut pour mettre en lumière une sortie récente d'un groupe de la playlist. Voilà, on entame cette émission avec une doublette extrême et violente. Tout d'abord, les Néerlandais de Corpse, le groupe de Brutal Slam Death qui sort un troisième album studio, Unsufferable Violence, dispo sur le label ricain Unique Leader Records. Voilà, c'est le label, c'est l'album de la signature avec Unique Leader Records. Et on les écoutera en doublette avec Energier, le groupe de extrême pagan, puisque ça ratisse aussi bien du folk que du black que du death. North Star, c'est le nom de leur nouvel effort studio déjà dispo chez Napalm Records. Voilà, donc pour ouvrir l'émission d'aujourd'hui, la doublette Corpse Molestation Condonation, Energier avec le titre Higher Fire. Et bienvenue dans l'émission. Oh! Doublette suivant, eh bien, c'est le nouvel EP des Suédois de Cult of Luna. Et ils sortent un nouvel EP, comme ils le disaient eux-mêmes, hein, c'est clairement dans la continuité de l'album de 2019. The Raging River, à noter que ce nouvel EP est sorti sur le label que le groupe a créé l'année dernière, Red Creek. Et dans la foulée, on s'écoutera Ablaze My Sorrow. Ça nous vient également de Suède, et là on est plus sur du pur Swedish Melodeath. Ablaze My Sorrow avec le nouvel album Among Ashes and Monolith. L'album est également déjà disponible. Cult of Luna, un extrait de leur nouvel EP I Remember, enchaîné avec Grit, titre de Ablaze My Sorrow. C'est parti! Thank you. Et voilà, la doublette suivante nous fait déjà arriver sur le premier focus de l'émission d'aujourd'hui. Je laisse donc la parole à l'ami Thibaut. Bonsoir à tous. Pour ce premier focus de la soirée, on va aller se pencher du côté du heavy metal avec l'excellent groupe polonais Crystal Viper qui vient tout juste de sortir son 8e album. Alors Crystal Viper, c'est un groupe donc, qui a été fondé par la chanteuse et leaduse du groupe Martha Gabriel, donc en 2003. À noter qu'elle est également chanteuse dans le groupe Moon Chamber. Bon, c'est un groupe qui ne m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, ouais, Crystal Viper, donc depuis 2003, ils ont sorti 8 albums, comme je le disais, et bon, c'est de la super bonne qualité, et c'est surtout un rythme assez énorme, parce qu'on est quasiment sur une moyenne d'un album tous les 2 ans. Pour faire un petit historique du groupe et de son évolution, donc en 2007, ils ont sorti l'album qui reste pour moi le meilleur, The Curse of the Crystal Viper. Alors ils ont sorti des pépites après, hein, mais celui-là, c'est vraiment celui qu'il faut écouter. Il est plus guerrier que les autres et vraiment porté par le chant de Gabriel qui est éraillé, enfin vraiment à écouter absolument. Ensuite, s'en est suivi 2 albums que je trouve un peu plus anecdotiques, même s'il y a quelques pistes qui sont intéressantes, Metal Nation et Legends. Bon, c'est voilà, ça s'écoute bien, mais c'est pas ceux qui sont à retenir de leur discographie. Et ensuite, ils sont partis un petit peu plus, alors très légèrement, dans un délire un petit peu plus mystique, un petit peu plus power metal. Et là, ils ont sorti, bah, coup sur coup, 4 albums qui étaient monstrueux. Donc en 2012, Crimen Excepta, Possession en 2013, Queen of the Witches en 2017, et Tolls of Fire and Ice en 2019, qui lui, était encore plus power que les autres albums. Et finalement, on arrive à ce 8e album, donc il est intitulé The Cult, il est sorti le 29 janvier chez Listenable Records, et alors clairement, bon, c'est un de leurs meilleurs albums à mon goût, et surtout, c'est un retour un petit peu aux origines, parce qu'on retrouve vraiment la même approche qu'il y avait sur les 3 premiers albums. Bon, l'album, il est accompagné d'une pochette qui est plutôt correcte, ça va avec un espèce de monstre qui apparaît au-dessus d'une ville. Je trouve que ça jure un petit peu avec l'univers qui avait été présenté un petit peu précédemment. Mais en soi, ouais, la pochette est plutôt cool. Et alors après, musicalement, on retrouve ce qui fait le charme de Crystal Viper. Donc pour moi, vraiment, cette chanteuse qui a une voix qui porte vraiment tout ce que fait le groupe. Et donc moi, je suis particulièrement fan de ces voix féminines éraillées comme ça. Et également, on a tous les gimmicks du heavy metal, les solos à rallonge et surtout des refrains qui vous restent en tête, mais c'est à se demander s'ils se sont pas mélangés avec notre ADN tellement on a envie de les chanter toute la journée, quoi. Après, ce qui est d'autant plus remarquable dans le travail qu'a fait le groupe sur cet album, c'est que c'est pas un remake pur et dur des premiers albums, parce que on a déjà une production qui est de bien meilleure qualité, et aussi ils ont implémenté, je crois qu'il y a 2 morceaux qui sont vraiment un petit peu plus mid-tempo, et qui repose, mais surtout qui change complètement de ce qu'il y avait dans les anciens albums. Donc c'est vraiment plaisant. Alors après, bon, dans les petits bémols, bon, je pense que c'est globalement le style qui veut ça, mais c'est vrai qu'on peut se lasser un petit peu à force d'écoute de tous les gimmicks qu'on peut avoir. Bon là, c'est vrai que l'album, je l'ai beaucoup écouté, plus réécouté toute la discographie, donc c'est peut-être un petit peu biaisé dans le sens où bah là, j'en ai écouté énormément ces derniers temps. En tout cas, ça reste vraiment une pépite, cet album, et je me répète, jetez-vous sur celui-ci, jetez-vous sur le premier album en priorité, et sur toute la discographie ensuite, parce que c'est vraiment un groupe de grande qualité. Et du coup, on va s'en écouter un morceau. Alors comme c'est déjà la 5e fois qu'on diffuse l'album là ces dernières semaines, j'ai pas pu vous mettre mon morceau préféré, mais j'en ai choisi un qui est bien catchy comme il faut, et qui avec un petit refrain qui vous reste bien en tête. Du coup, on s'écoute Forgotten Land. Voilà, Crystal Viper, ça fait partie de ces groupes qu'on vous diffuse depuis quelques années, pour lesquels on tient toujours un coup de cœur, même si c'est vrai que les 2 précédents albums nous avaient un petit peu laissé de côté. Là, Crystal Viper, on est sur un album rempli de tubes, c'est hyper simple et basique, mais putain, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien pensé. Voilà, puis la vocaliste arrache toujours autant. Donc voilà, les ambiances puent les années 80 et c'est mortellement efficace. Voilà, Crystal Viper, on s'écoutera Forgotten Land, extrait de leur nouvel album The Cult, pour finir d'illustrer ce focus. À noter que c'est sorti sur le label français Listenable Records. Et en doublette, on va s'écouter un titre de Kjeld. Hofstan, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Toujours une avant-première puisque ça ne sort que le 5 mars. Et on s'écoutera le titre de l'album Crystal Viper enchaîné à Kjeld. C'est parti.

La doublette suivante, eh bien, elle est ouverte par la formation roumaine Sur Ostru, formée sur les cendres de Negura Bunget, nouvel effort studio intitulé Obarsi. Des titres plutôt longs, contemplatifs, cependant folk roumain très efficace. Voilà, comme les titres sont assez longs, ce sont des versions édites pour qu'ils soient diffusables en radio. À noter que tous les titres recoupés sont en intégralité disponibles via la version sur notre blog. Donc ce sont les titres qui s'enchaînent pour clôturer l'album. La semaine dernière, on a diffusé la partie 2 de ce titre très long, hein, qui fait une grosse quinzaine de minutes, me semble-t-il. Et là, du coup, on va s'écouter la première partie de ce double morceau de clôture. On va en diffuser à peu près 6 minutes sur 9 que dure le morceau en entier. Donc voilà, soyez attentifs et puis faites en sorte de l'écouter par vous-même en entier, bien évidemment. Sur Ostru, qu'on écoutera en doublette avec Evergrey, le groupe de Heavy Prog qui sort son nouvel effort studio Escape of the Phoenix. L'album est déjà dispo chez AFM Records. Sur Ostru, version édite de Unitsi Din Artop, pour rappel, un des doubles morceaux de clôture de l'album. Where August Mourns, le titre de Evergrey, qu'on s'écoutera juste après. C'est parti. We'll be right back. Avec la doublette suivante, eh bien, on va bientôt pouvoir faire la bascule dans l'aspect française. Tout d'abord, on va s'écouter Han, Breathing the Void, Han, formation suisse, si je ne m'abuse. Alors oui, sachez que pour rajouter un petit peu de fun à la présentation de l'émission, ayant déménagé la semaine dernière, ça c'est toute la magie des émissions en différé, hein, comme ça vous y avez vu que du feu, je suis pour l'instant sans internet, donc je tricote comme je peux avec les infos que l'ami Sylvain m'a envoyées. Du coup, j'ai un petit peu de mal à passer d'une note à l'autre. Enfin, bon, c'est pas grave. Si vous suivez l'émission, et je sais que vous suivez l'émission assidûment, vous avez déjà toutes les infos dans un quad 20 têtes. Han, donc, nouvel album Breathing the Void, déjà dispo chez Northern Silence Production. Et dans la foulée, le groupe de l'excellent groupe de tech death française Scalar Process, qui sort son premier effort studio, Coagulative Matters. L'album est déjà disponible. Han, on va s'écouter le titre Breathing the Void, le titre de l'album, donc, et Scalar Process, le morceau Cosmic Flow. C'est parti.